Oh, mais c'est très caractérisé chez Marc Aurel. Il a été bien, bien pire qu'Antonin et Adrien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler ce matin malgré tout. Droiture et mélancolie sur les écrits de Marc Aurel, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions Verdier. On se quitte avec de la droiture en chanson, Bob Dylan, The Write to Me Baby. Don't wanna judge nobody, don't wanna be judged. Don't wanna touch nobody, don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody, don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them do unto you. Don't wanna shoot nobody, don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody, don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody, nobody, if they already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do one to others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't wanna burn nobody, don't wanna be burned. But I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody, I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them. I don't wanna be winked at. Don't wanna be used by nobody for a dull man. Don't wanna confuse nobody. Don't wanna be confused. Don't wanna amuse nobody. I don't wanna be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Say it like you have them, do unto you. Don't wanna betray nobody, don't wanna be betrayed. Don't wanna play with nobody, don't wanna be waylaid. Don't wanna miss nobody, don't wanna be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Après une série sur Marc Aurel, vous nous parlez de Kant. Bien oui, aujourd'hui vous avez précisément parlé de sa vie, mais est-ce que vous vous souvenez Adèle que je vous ai parlé ces dernières semaines de la vie de Platon et de celle de Simone de Beauvoir ? Mais bien sûr, c'était jeudi dernier. Eh bien aujourd'hui, je vous parle encore d'une vie de philosophe, celle de Kant, racontée par Roger Haïm dans son livre Emmanuel Kant, une vie à Königsberg. On peut avoir une certaine idée de Kant, la critique de la raison pure, l'impératif catégorique, la morale rigoriste. Mais comme je le demandais pour Platon et Simone de Beauvoir, de sa vie à Kant, que sait-on au fond ? Sait-on comment il travaillait ? Quel a été son parcours ? Quel a été son caractère ? Ou tout simplement, comment il se réveillait ? Monsieur le professeur, voici l'heure. Le café vient immédiatement. Oui. Et la prochaine aussi vient immédiatement. D'ailleurs, ce sera à peu près le temps que j'aurais attendu. Enfin, on peut mourir après tout. Ce n'est que mourir. Et dans l'autre monde, on ne boira pas de café. Et par conséquent, on ne l'attendra pas. Le sage philosophe dormait 7 heures par nuit dans une chambre dépourvue de chauffage, quelle qu'en fût la saison, et privée de la lumière du jour. Dès 5 heures du matin, à peine réveillé, encore en robe de chambre, le tricorne posé sur son bonnet de nuit, Kant s'asseyait à sa table de travail. À 7 heures en été, 8 heures en hiver, il se rendait à l'université faire son cours jusqu'à 9 heures. L'écrivain Heinrich Heine écrit « Je ne crois pas que la grande horloge de la cathédrale ait accompli sa tâche visible avec moins de passion et plus de régularité que son compatriote Emmanuel Kant. » En effet, c'était si vrai que les habitants de Königsberg, lorsqu'ils le voyaient à l'heure dite, tout en le saluant respectueusement, réglaient leur montre à son passage. Ils tenaient tellement à sa montre qu'ils disaient souvent « Si j'étais dans le besoin, ce serait le dernier objet que je vendrais ». De retour, il se déshabillait, remettait sa robe de chambre, chaussait ses pantoufles et travaillait jusqu'à 12h45. À cet instant précis, la cuisinière venait lui dire « Les trois quarts sont sonnés » ou « 12h15 ». Il quittait alors son bureau, s'habillait très soigneusement en costume d'apparat pour recevoir sa petite société d'amis. La mise en scène ou le rituel instauré par Kant était de parler de la température du jour, tout en rejoignant la salle à manger. Ce sujet occupait souvent la première partie du repas. Et la suite de la journée de Kant est ainsi décrite avec autant de précision dans ce livre de Roger Haïm, le repas du midi, la promenade de l'après-midi et la soirée. Tout l'ouvrage est ainsi truffé de détails sur la vie de Kant, de son enfance à ses vieux jours, de son sofa au portrait de Rousseau affiché dans son bureau. Alors vous pourrez me dire, quel intérêt ? Et je vous répondrai, aucun. Mais avant cela, écoutons son dernier souffle. Je souhaitais rester avec lui jusqu'à la fin et... ainsi que j'avais été parmi les plus proches témoins de sa vie, être témoin aussi de sa mort. En conséquence, je ne le quittais plus. Je passais la nuit entière à son chevet. Il ne dormit pas. Et d'ordinaire, il repoussa la cuillerée de boisson qu'on lui mettait parfois aux lèvres. Mais vers 1 heure du matin, il fit lui-même un mouvement vers la cuillère d'où je compris qu'il avait soif, et je lui donnais très peu de vin et d'eau sucrée. Il semblait en désirer encore, et je continuai à lui en donner jusqu'à ce qu'il dît, de façon que je fus juste capable de comprendre, « C'est assez. » Et ce furent ses dernières paroles. « C'est assez. » Que sait-on de la vie de Kant ou des philosophes en général ? Mais surtout, que veut-on savoir ? On peut vouloir savoir comment ils ont découvert la philosophie, à quoi ressemble leur journée ou leur manière de travailler. Mais veut-on vraiment savoir comment ils sont au réveil ou à quoi ressemblent leurs derniers instants ? Veut-on vraiment connaître leur goût et leur psychologie ? Vous me direz, mais à quoi ça sert ? Pourquoi ? Et je vous répondrai, eh bien pourquoi pas ? Alors certes, ça n'a aucun intérêt, et alors ? On se garde toujours de pénétrer dans l'intimité des philosophes, d'aller trop loin dans ce qui relèverait du privé, comme si le monde des idées snobait la vie, ou comme si la vie devait être elle-même une matière philosophique pour être mentionnée. Quand on veut parler de la vie des philosophes, on fait ainsi des points biographiques, on tente de découvrir des faces cachées, on décèle des anecdotes seulement quand ils sont à même de révéler la genèse d'une œuvre. Mais pourquoi ne pas se dire qu'on aimerait tout simplement savoir qui et comment étaient les philosophes ? Pourquoi ne pas se dire qu'on aimerait tout simplement savoir ce qu'ils aimaient faire, voir ou pas, et même comment ils étaient au réveil. Apprend-on dans ce livre, Géraldine, que Kant était l'inventeur du porte-jartel ? Alors, pas à ma connaissance, je ne l'ai pas vu dans ce livre, mais c'est un scoop. C'est un scoop incroyable et qui est, à ma connaissance, véridique. Rappelez-nous le titre du livre que vous nous conseillez de lire. Emmanuel Kant, une vie à Königsberg de Roger Haïm, c'est aux éditions La Cimard et Christian Pirot. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui était la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Michael Fessel. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous y trouverez toute la série sur Marc Aurèle, qui nous a accompagnés depuis lundi. Vous pourrez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où nous serons ravis de répondre à vos remarques et commentaires. À demain, 10h précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.